18-20, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le texte deux fois. Arrête, tu m'agaces. Est-ce que tu peux être agaçante? Je te préviens, si tu continues, ça va mal finir. Arrête, tu m'embêtes. Arrête, tu m'ennuies. Arrête, tu m'agaces. Est-ce que tu peux être agaçante? Je te préviens, si tu continues, ça va mal finir. Arrête, tu m'embêtes. Arrête, tu m'ennuies.